J'aime autant vous dire tout de suite que je n'ai rien contre les SDF. Ils ressemblent à chacun d'entre nous. Sauf qu'ils n'ont pas de domicile, justement. Mais ne vous y fiez pas. Certains ont de la culture et une excellente éducation. Beaucoup d'entre eux viennent de cieux moins cléments. Ils veulent obtenir le statut de réfugié politique ou simplement bénéficier de meilleures conditions de vie. Nos conditions de vie. Ils quittent leur pays natal et s'installent à New York, n'importe où. Dans les bâtiments publics du port, dans les rues, dans les parcs. Comprenez bien. Je suis convaincu que ces gens aiment leur patrie d'adoption et qu'ils sont reconnaissants pour tout ce qu'elle fait pour eux. Sincèrement, j'aimerais aider ces gens-là. J'aimerais. Mais vous savez, en fait, l'expérience montre que d'une manière ou d'une autre, ils doivent réapprendre à se débrouiller seuls. Nous devons leur montrer comment survivre dans notre société. Nous devons les pousser à redevenir entreprenants d'une manière ou d'une autre. Surtout, nous devons cesser de les aider à tort et à travers. Parce qu'en leur donnant à manger, en leur donnant de l'argent ou des vêtements ou des médicaments, tout ce qu'on leur apprend, c'est la passivité, vous voyez? Je reviendrai. T'as vu, Polly? Pourquoi tu me regardes? Me regarde pas. Me regarde pas comme ça. Je sais bien qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'il soit pas là pour l'instant. Je suis pas cinglé, tu sais. C'est un homme. Il a le droit d'aller où il veut. Mais tu vois, il veut jamais aller nulle part. Je suis sûr que c'est cette pute de rouquine. Mindy! Tu vois qui je veux dire? Celle qui a une jambe dans le plâtre et court après tous les mecs qu'elle voit. J'ai rien contre elle, mais je veux dire une chose. Si jamais je la surprends près de mon poli, je lui empoigne sa tignasse si fort et je lui arrache ses cheveux et elle en sortira ses chaussures. Si j'étais resté avec lui cette nuit, il aurait même pas craché dessus. Mais tu vois, il faisait si froid. J'ai préféré aller dans la salle des chaudières. Et maintenant, je ne trouve plus nulle part. Je lui ai demandé de venir avec moi. Je lui ai même proposé de payer pour lui. Mais il n'a pas voulu. Et maintenant, je me dis que peut-être il est fâché contre moi ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mais t'es un homme! Tu serais fâché, toi? T'es dingue! Pourquoi tu secoues ça comme ça? Arrête! C'est pas une montre! Pose-le! J'ai du café pour lui. Je l'ai cherché toute la journée. Toute la journée. J'ai même offert un pull. Un pull bleu. En cachemire. Ça chauffe, tu sais, les cachemires. Ça chauffe comme des radiateurs. Café et froid. Dis, tu l'as vu? Tu peux me le dire? Tu sais s'il était avec cette traînée? Je t'en voudrais pas, je suis pas ce genre de bonne femme. Alors, il était avec elle ou non? Non? Alors cette pute a de la chance. Froid. C'est froid aujourd'hui. Ça caille. Je peux nous faire un feu dans la poubelle. On peut se garer des deux côtés de la rue aujourd'hui. Regarde, Sacha. C'est moi. Staline. Regarde-moi. Regarde Hitler, Sacha. Tu sais quoi, Sacha? Il y a un évêque au Chili qui est devenu archevêque. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais comment il s'appelle? Salvatore Mancini. Ce mec doit être sacrément rusé. Sinon, comment il aurait fait? Hein, Sacha? Si je pouvais mettre la main sur ce fils de pute, Mancini. Putain de merde! Tu sais quoi, Sacha? Quelqu'un a écrit que toute vie sur Terre est une erreur. Tu sais ce que ça veut dire? Que rien n'a de sens ici. Un idiot! Et publie ses conneries alors dans une demi-page! C'est vraiment comment faire sentir même à un honnête homme comme moi qu'il est rien qu'une merde. Et t'étonnes que personne n'aime les juifs? Alors c'est quoi ton problème? T'en rognes? À propos de quoi? Juste parce que je suis pas revenu la nuit dernière? Dis-moi, je comprends pas. Ah, les 7 dollars! Tu veux savoir la vérité? Donne-moi une taf. Allez, Sacha, juste une. Allez! Ça pue! Ces gosses ont joué ici et ils ont brûlé un autre pigeon vivant. Ils se débattaient et tout d'un coup, crac! Les pigeons, ça pue quand on les brûle vivants. Mais quoi faire, hein? Des gosses! Ok, ok, je vais tout te dire. J'étais en route pour aller chercher une bouteille pour nous deux chez Lala. Comme ça, on aurait pu boire un coup ensemble. Quand tout à coup, il y a ce bruit d'enfer dans ma tête. Et m'a vu se brouiller. Et tout devient sombre. Vraiment sombre. Et là, je fais un bond de 2 mètres. Il est parti. Qui? Polly. Et alors? Jenny l'a pas vu non plus. C'est qui, cette putain de Jenny? Celle pour qui je pisse dans une bouteille. 3 dollars la bouteille. Elle doit passer un test chaque semaine, mais elle se drogue. Alors je fais le boulot à sa place. Ce matin, je vais faire le job pour elle, mais elle a annulé. J'espérais qu'elle avait vu Polly, mais elle avait pas vu Polly non plus. Tu sais c'est qui, Polly? Ouais. Il m'aime, tu sais. Alors Sacha, devine quoi? Il m'aime. Je me suis réveillé dans l'ambulance, Sacha. Tout le monde sait qu'il m'aime. En route pour l'hôpital. Tu nous as vus ensemble, n'est-ce pas? On a pris la voie sur berge et ça ressemblait exactement il m'aime, tu au coin sais. De Pologne où je suis né. Tout le monde sait qu'il m'aime. Sauf que la Vistule est tout beaucoup plus belle. Tout le monde sait qu'il m'aime. Nous avons des montagnes. Il m'aime, ah, tu sais. Il parlait jamais à personne. Ça, c'était seulement les 5 dernières années. Parce qu'avant, il parlait tout le temps, il était très drôle. On a vécu de grands moments ensemble, Polly et moi. De grands moments. Il m'a raconté cette blague tordante. Attendez. Je m'en souviens plus. Mais elle était très drôle. Donc, Sacha... Polly! Sacha... Polly! Je me suis réveillé dans l'ambulance. Et près de moi, il y avait ce docteur. Avec un anneau dans l'oreille. Il m'a serré la main avec un respect. T'aurais vu ça? Un tel respect? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'avait jamais assisté à une crise d'épilepsie pareille. Jamais vu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ensuite, j'ai tâté ma poche droite parce que le docteur me fouillait la gauche, vide, rien. Alors, on a changé de côté. Et j'ai fouillé l'autre, rien, volé, disparu les 7 dollars. Ou peut-être perdu pendant ma crise, hein. Ils ont pu glisser le long de ma jambe. N'importe qui pouvait les prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, quand ils ont publié cet article sur Lisa, tu t'en souviens? Celle qui habitait deux bancs plus loin. Eh bien, ils ont écrit qu'après sa mort, ils avaient trouvé sur elle 25 000 dollars. Maintenant, on te vole horriblement dans le parc. Terriblement. Une foule de gens arrive du haut de Manhattan spécialement pour te dévaliser jusqu'au dernier sou. Une fois, tiens, je me suis fait dérouiller par toute une famille, la mère, la grand-mère, les deux fils. Comme ils ne trouvaient pas de place pour stationner et qu'ils avaient tellement peur de prendre un PV, ben ils sont devenus fous furieux. Et ils m'ont cogné. Salement. Comme ils n'ont rien trouvé sur moi, ils m'ont volé deux clopes. Et mon petit couteau. T'es malin, toi, de déchiqueter tes poches comme tu le fais. Quand ils voient ça, en général, ils te foutent la paix, en fait. En fait, quelquefois, rien les arrête, rien. Ouais. Je pense que l'argent a été volé. J'ai demandé au docteur, hein, celui avec l'anneau dans l'oreille, s'il l'avait vu. Il a juste rigolé. Pourquoi tu te marres? L'épilepsie, c'est très sérieux. L'Indien. Espèce de sale menteur. Mais le bon truc avec l'épilepsie, c'est qu'une fois que tu l'as, tu sais que tu ne deviendras jamais schizophrène. L'Indien quoi? Quel Indien? L'Indien t'a vu. Qu'est-ce que tu veux dire par « il m'a vu »? Il t'a vu acheter trois bouteilles de gnoll. Moi? Acheter trois bouteilles de gnoll? Je t'ai envoyé acheter trois bouteilles de gnoll et tu les as bu, mais l'Indien t'a vu. Il t'a même demandé une gorgée. Et tu le crois? Ouais. Tu crois un Indien? Ouais. Un alcoolique sur la mauvaise pote? L'Indien a dit que tu as eu trois bouteilles de gnoll pour 5 dollars et avec les 2 dollars qui restaient, tu as payé pour passer la nuit dans la salle des chaudières. Moi? Ouais, toi. Dans la salle des chaudières? Cinquième rue entre la C et la D. J'ai eu une crise et je me suis réveillé il y a 2 heures. Va demander au docteur Alano qu'a volé ton fric si tu me crois pas. L'Indien a dit... L'enculé! L'enculé d'Indien! Tu l'as vu avec son nez cassé. Quand il a une crise, il tombe sur sa gueule. J'ai de meilleures crises que lui et ça le rend jaloux. Et tu sais ce que je pense? C'est lui qui a volé ton fric. Arrête, tu voulais payer 1 dollar pour la salle des chaudières, mais lui, il en voulait 2. Il est exactement comme toi. Encore pire, menteur, voleur, jaloux. Je me trompe? J'ai jamais été jaloux d'âme qui vive. Et l'archevêque? Celui du Chili. Celui du Chili. Salvatore Mancini. Salvatore Mancini. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre qu'il soit devenu archevêque? Tu ne sais même pas où se trouve le Chili. Je sais que ça se trouve quelque part. De toute façon, je sais rien au sujet de cette salle des chaudières. M'y trouvais pas. Me suis réveillé à l'hôpital. Ils m'ont donné du café, un sandwich au thon. Ils m'ont désinfecté, si tu veux le savoir. Tu m'as vu me gratter aujourd'hui, j'ai plus seulement pu en regarder. L'Indien a dit... Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'Indien? Ta gueule, espèce de pute. L'Indien a dit qu'il n'avait vu Polly nulle part. Mais j'ai pas confiance en lui, il ment tout le temps. Absolument, bien sûr qu'il ment. Tu vois, Sacha, tout le monde te le dira. Demande-lui à elle si tu me crois pas. Alors il est où, Polly? Tu sais ce que l'Indien a dit de moi? Que j'avais passé la nuit dans la salle des chaudières. Moi, dans cette saloperie de salle des chaudières. La ferme, flic! Je l'ai vu. Vraiment? Alors il est où? Ils l'ont emmené. Qui l'a emmené? La police? Ils l'ont emmené en ambulance. En ambulance? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Qu'est-ce que t'as dit? Ah ben, il est mort. Oh, c'est vrai, Polly? Il est mort. Mais où est-ce qu'ils l'ont emmené? À l'île du Cerf. Oh mon Dieu, mais il est en si bonne forme. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? La police a dit qu'il était mort 2 fois, alors ils l'ont emmené au champ du Potier. Tu viens de dire à l'île du Cerf? Mais c'est la même chose. Le champ du Potier se trouve sur l'île du Cerf. Attends. Je peux te demander une chose? Est-ce que tu es sûr qu'il est mort? Parce que des tas de choses peuvent arriver ici. Il pouvait être évanoui ou endormi, sous quelque chose qu'il cachait complètement, ou sous. De nos jours, les gens voient une chose, en réalité, il s'agit d'une autre. Si l'ambulance l'a emmené, ça veut dire qu'il était mort. Je le sentais. C'est ce pull en cachemire. Le cachemire ramasse le malheur comme une éponge. Les gens heureux, ils portent pas de cachemire. Mais les malheureux, ils ont toujours trop chaud, trop froid. Et au lieu d'aller chez le docteur, ils achètent un pull en cachemire. Et la malchance s'y colle. Tu peux le laver. Tu peux même le nettoyer à sec, ça n'y changera rien. Si tu dois porter un pull en cachemire, choisis-en un qui ait les épaulettes parce que c'est là que le malheur se colle. Je le sais, j'en ai eu un. Et maintenant, c'est trop tard. Tu vois? Quoi? Ça, c'est de l'acrylique. Et l'acrylique, ça pose pas de problème. T'as qu'à l'enlever, le secouer un peu, et la malchance disparaît. Qu'est-ce que je vais faire? De l'agneau. Il m'en reste plus. Sinon, je t'en donnerai un peu. Faut que je le voie. Pas moyen, ils te laisseront pas entrer. Et pourquoi? Parce que c'est une prison. Mais pourquoi ils l'ont emmené là-bas? Fallait bien le mettre quelque part! Mais là-bas, y'a que des minables, des laissés pour compte, des rebuts, des criminels! Pauli était américain, 100%, il avait la nationalité! Il était anglo-saxon, comme toi! Non, je suis russe. Catholique ou protestant? Juif. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour lui, lui était américain, 100%. On devrait pas tolérer des choses comme ça. On ne peut pas enterrer un homme dans une prison. Ok, arrête de hurler. Le champ du potier est surpeuplé. Ils enterrent les gens les uns sur les autres. Pauli le supportera pas. Mais tout est surpeuplé dans cette ville. Les immeubles, la rue, le parc, Seigneur Jésus. Tu te trouves à New York, la grosse pomme. Pas dans une décharge à ordures comme San Juan. Hein. Nous avons les buildings les plus élevés et les tombes les plus profondes. Pas vrai, Sacha? Si ça te plaît tant que ça, tu peux aller te coucher au fond avec quatre criminels qui pourraient sortir de toi. Et la ferme, hein. Je retournerai en Pologne avec Yola. Quand Yola viendra ici, d'abord on économisera pendant un an. Et puis, nous repartirons en Pologne ensemble. Et là-bas, j'achèterai sans une maison. Sans nom, et sans je mettrai un drapeau américain. On peut pas enterrer un homme dans une prison, c'est pas bon pour son âme. C'est pas bon pour son âme. On peut pas enterrer un homme dans une prison, c'est pas bon pour son âme. C'est mauvais pour son âme. Les âmes n'ont rien à foutre. Est-ce que t'as de l'argent? Quoi? De l'argent. Peut-être as-tu entendu parler de cette chose. L'argent. Si tu as de l'argent, tu peux aller le chercher, l'enterrer où diable tu veux. J'en ai pas. Alors va le faire foutre. Et n'emmerde pas les gens bien éduqués, n'interromps pas leur conversation. Va-t'en. Il dormait dans la salle des chaudières, je l'ai vu. Qu'est-ce que t'as dit? Il a traîné un vieux type, il l'a foutu dans un coin. Comme ça, il pouvait prendre la meilleure place, celle la plus loin des chaudières. Qu'est-ce que t'as dit? Il a été très malin. Il a seulement enlevé ses chaussures. Les autres, ils s'habillent tout de suite. Il commence à gémir, à transpirer et à claquer les dents. Lui, il pouvait tenir jusqu'au matin sans cuire. Tu écoutes cette pute plutôt que moi, je peux pas le croire. Sale menteuse! 5 ans qu'on vit ensemble sur ce banc et tu l'écoutes elle et pas moi. Touche pas à mon caddie. Foule camp d'ici, espèce de sorcière fouteuse de merde, moucharde. Tu sais ce qu'on faisait en Pologne, des gens comme toi, pendant la guerre? Et quelle guerre en Pologne? La seconde, la ferme. On t'aurait rasé la tête, putain d'enculé de collabo. Je sais que tu es les Polonais, vous autres enfoirés de Portoricains, haïssez les Polonais. Je parie que tu sais même pas qui était Chopin. Hé, hey, un Polonais. La ferme. Je te le demande pas à toi, je le demande à elle. Un Polonais. Et toi? Qui tu es, toi? Hein? Tu m'effraies pas, hein? Vampire, Jésus-Marie et Joseph me protègent. Sacha, tu vois ce qu'elle fait? Sacha, elle me jette un mauvais sort. Sacha, s'il m'arrive quelque chose, traîne-la devant les tribunaux. La ferme, flic. Je ne supporte plus tes jérémiades. Collabo, garce nazi. La ferme, sale cochon de Polonais. T'as entendu? Discrimination. Tu vois? Personne dans le parc ne lui parle. Pauli me parlait. Pauli n'a jamais parlé à personne. Tu nous prends pour des cons ou quoi? Il est mort pour se débarrasser de toi. La ferme. Tu valais même pas assez pour qu'il te pisse dessus. C'était un vrai gentleman. Lui. Tu t'accroches à lui comme un morpion. Il m'aimait. Mais il t'aime plus. Plus maintenant. Alors, j'ai pas raison, Sacha. Qui crois-tu? Cette pute ou moi? Je crois complètement cette pute. Et pas moi? À toi. Ok, c'est bon, je m'en vais. Mais d'accord. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le chant du potier. Le chant du potier? C'est le chant du potier, je suppose. Oui. Mais est-ce que tu sais qui a payé pour acheter le champ du potier? Non, qui a payé? Judas. Avec l'argent taché de sang. Mais qu'est-ce que Judas a à voir là-dedans? De quoi tu lui parles? Il est juif. Même moi, je n'ai jamais entendu parler. Pourtant, je suis catholique, moi, et mieux que toi. De catholique, tu le sais pas. Quand Judas a trahi le Christ, il a eu l'air mort. Alors il est allé au temple pour rendre les 30 deniers. Pour rendre les pièces? Les rendre. Les 30? Les 30. Mais personne voulait de cet argent. Parce que dessus, il y avait le sang de Jésus. Lorsqu'un prêtre eut l'idée, avec l'argent, ils allaient acheter un champ pour enterrer les étrangers. Et un potier a vendu sa terre. Voilà pourquoi le champ du potier est... le champ du potier! En supposant que tu dises vrai, le champ du potier se trouve en Israël. Ici, on est à New York. Elle pourrait avoir raison, à vrai dire. On trouve toujours ce même genre d'endroit pour les criminels, les rebuts, les minables. Elle a dit pour les étrangers, pour les étrangers. Nous sommes des étrangers. Mais bon, Pauline, non. C'était un Américain 100%. Non, non. Ok. Je te donne encore une chance de plus. Qui crois-tu, elle ou moi? Je te l'ai déjà dit. Ok. C'est bon. Je m'en vais. Tu m'as entendu, là? Je m'en vais tout de suite. Tu me verras plus. Tu viens de perdre le seul ami que t'aies jamais eu. Ta femme avait 100% raison de s'envoyer ce Shakespeare. Enculé, va! Tata, ah, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça, arrête! Regarde, je suis de retour, t'inquiète pas. Je vais nulle part. Tata, t'inquiète. Sacha, tu veux encore me faire croire que tu retournes en Russie? Fais pas ça. Me fais pas peur, personne ne quitte New York pour la Russie. T'es pas fou, t'es un mec intelligent, tu sais très bien que tu peux pas. T'as pas de billet. Et tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes bien. Tu t'en souviens? Tu disais que je suis un mec drôle. Tu t'en souviens? Ouh. Sacha, excuse-moi, mais dans ta tête, ça marche pas. Tu peux pas aller à Leningrad. Leningrad n'existe plus. Tu as dit que tu pouvais pas aller voir ta mère comme tu es maintenant. Tu as plus assez de dents. Comment tu vas sourire? Et t'auras envie de sourire quand tu la verras, ta mère. N'est-ce pas, Sacha? Bon, tu peux pas aller t'installer là-bas maintenant. Là-bas, y a rien. Seulement la pauvreté. Pour 7 malheureux dollars. C'est pour ça que tu y retournes. 7 malheureux dollars quand toute une vie sur Terre pourrait être une erreur. Ils le disent dans le journal. Sacha, qu'est-ce que tu vas gagner en allant là-bas? Tu ne le sauras pas. Écoute. Sacha, écoute. Écoute, je sais que t'es fâché contre moi. Mais regarde. J'ai quelque chose pour toi. Je l'ai gardé pour toi. De la gnoule. Je l'ai coupée pour la rendre plus forte. J'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par j'en veux pas? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ok, c'est pas du whisky irlandais. Mais tu m'en diras des nouvelles. Goûte, voyons. Je suis prêt. Sacha, regarde, tu m'en nerveux. Sacha, regarde comme mes mains tremblent. Sacha, je peux pas te laisser partir comme ça. T'es mon meilleur ami. On a eu tellement de bons moments ensemble. Tu veux que j'avoue? D'accord. J'avoue. Un autre mec t'aurait menti. Il aurait essayé de te rouler, mais je suis pas ce genre de mec. Tu me connais, pas vrai? Je te connais. Laisse-moi tranquille. J'avoue. Je m'y trouvais la nuit dernière dans la salle des chaudières. Vraiment? J'ai peine à y croire. Si. Et tu sais quoi d'autre? J'ai bu toute la gnôle moi-même. Sauf ça, que j'ai gardé pour toi. Je te laisserai pas partir. Laisse-moi tranquille! Tu veux que je m'agenouille? Que je t'embrasse le cul? Je peux! Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux me cracher à la gueule? Vas-y, vas-y, fais-le pour moi, vas-y, vas-y, crache! Je veux un hamburger! Ce putain d'Indien! Tu crois que la vie sur Vénus est possible? Non. Pas plus qu'ici. Dans le parc? En général, n'importe où. Tu connais Pixie? Celle qui vit dans la boîte rose, avec le noir qui a un niara sur la tête. Celui qui a le sida? Non, celui qui danse. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a? Le noir a une sœur qui travaille pour la police. Elle m'a dit qu'ils ont une combine pour résoudre le problème. Quel problème? Le problème des SDF. Le résoudre définitivement. Et de quoi tu parles? T'as vu si les flics ont nettoyé le parc aujourd'hui? Ils le font toujours? Oui, mais ils ne nous comptent pas toujours. Ils nous ont compté? Oui, ils l'ont fait. Ça, c'est pas bien. Tu vois? Des plans. Ils ont des plans. T'as vu s'ils ont enlevé les bouteilles des poubelles ou pas? Mais ils le font toujours. Ils le font seulement avant une intervention de la police. Quoi, compter? Non! Enlever les cadavres de bouteilles, comme ça on peut pas riposter. Mais on ne riposte jamais. Sacha, j'ai une idée. S'il te plaît, plus d'idées. Peut-être on devrait riposter. On ne peut pas. Pourquoi pas? On a le droit de s'armer. C'est dans la Constitution. Ils ont enlevé les bouteilles. C'est vrai. Merde. Seigneur. Je garde celle-là, juste au cas où. Écoute. Donne-moi au moins une raison. Au moins une putain de bonne raison. Pourquoi aurais-tu besoin de deux reins? Dans une semaine, tu seras revenu dans le parc, sautant d'un bas à l'autre, comme un écureuil. Mais tu auras 400 dollars dans la poche. Un organe totalement inutile, t'en as déjà un. De combien de reins un homme intelligent a-t-il besoin? Et combien tu te prends là-dessus? 10 malheureux pour cent. Une misère. Et je ferai tout le sale boulot. Appeler un taxi, parler à l'hôpital, sélectionner les clients. T'auras même pas besoin de les voir, je le ferai pour toi. T'auras qu'à te mettre au lit, boire du chocolat chaud, manger des sandwichs au thon et flotter les infirmières. Écoute, si tu veux avancer dans la vie, il faut faire des petits sacrifices. Si j'avais pas vendu mon rein à Varsovie, je serais jamais arrivé à Manhattan. Écoute! Dégage! Écoute! Fous le camp, on parle pas aux mouchards! J'ai vu 8 pigeons! Où, dans ta tête? Fous le camp! 400 dollars pour un rein? Combien t'as eu, toi? Bon, à l'époque, le marché était meilleur. Écoute, tu peux pas commencer avec des prix élevés. Il faut que tu débutes avec modération. Ensuite, une fois que t'as les bons contacts et que t'as été déclaré apte, alors tu pourras passer à la vitesse supérieure. Cette année, un rein, l'année prochaine, qui sait? Alors tu regretteras de m'avoir donné que 10%. Tu voudras m'en donner 20, mais je ne les prendrai pas. J'ai entendu dire que les prix étaient beaucoup plus élevés que ça. Tu ressembles bien aux Russes, toi, hein? Ils veulent tous devenir millionnaires du jour au lendemain. Regarde Polly, mort avec dur. Où est-ce que ça l'a mené? C'est ce que je voulais dire! Devant l'église! Il y en avait 8! Je les ai comptés. Ok. Alors, comment tu sais qu'il avait dur, hein? Je lui ai proposé de le représenter. Arrête ton char, il parlait à personne. Alors je me suis dit que si le nombre des pigeons était pair, c'est que Dieu ne voulait pas que je m'en mêle. Mais que si le nombre des pigeons était impair, c'est que Dieu attendait quelque chose de mieux pour Polly. Comme quoi? sa propre tombe auprès de sa famille et de ses amis. Quand tu es seul dans ta tombe, c'est pour toujours. Quand tu es vivant, c'est différent, tout peut arriver. Chacun a droit à sa propre tombe, même lui. Est-ce qu'il en avait une, lui, de famille? Mais je suis sa famille. C'est ici, sa famille. Bon, tu as dit qu'il y avait 8 pigeons. Donc Dieu est satisfait. Ah, mais tu vois, le 8e me regardait. Il me souriait. Et puis il a battu les ailes et s'est envolé dans le ciel. Un pigeon blanc comme la neige avec un point bleu sur le bec. Et après, tu vois, il n'était plus que 7. Bon, d'accord. Je te le dis, Dieu m'a ordonné de l'enterrer. Eh, laisse tomber, il est déjà enterré. Sans une tombe, sans un prêtre pour prier, sans moi. Sans argent, tu ne pourras rien faire. J'en ai un peu. Vraiment, pourquoi t'as rien dit? T'as combien? Plie, attention. N'aie pas peur, je vais pas le voler, je veux juste te voir par curiosité. Qu'est-ce que t'as dit? T'as combien? J'ai 19,50. Dieu, un paquet de fric! Je te le montre à toi, pas à lui, regarde. C'est vrai, les uns. 19,50 $? Tu devrais pas porter autant d'argent sur toi par ici. Pas plus tard que la nuit dernière, quelqu'un m'a volé 7 $. Je veux dire, il l'aurait fait si je les avais pas dépensés. Allez, assieds-toi. Mais relax. Écoute. Tu peux pas l'enterrer pour 19,50 $. J'ai une idée géniale. Une révélation. On va lui faire une sacrée fête d'adieu. On va boire, on va prier pour lui, et son esprit sera sacrément content. Nous aurons une communion spirituelle avec lui, là-haut, dans les cieux, nous, ici, dans le parc, ses amis, sa femme, donne l'argent. Une fête d'adieu. Voilà la chose la plus importante dans la vie de chaque mort. Pour 19,50 $, on peut avoir... Dieu, 9 bouteilles d'oignol et 3 parts de pizza. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, tu sais ce qu'il me disait. Il ne parlait pas. Il parle à ma spiritualité. Je le comprenais, je tiens ce nom de papa, surtout quand je bois. Chant du potier. Une prison. Laisse ce pauvre mec où il se trouve, fous-lui la paix, achetons une bouteille. La ferme. Ils enterrent les gens dans des tombes anonymes là-bas. Personne ne trouvera mon poli et moi je pourrais pas aller lui rendre visite. On devrait pas enterrer des gens dans une prison. C'est pas bon pour leur âme. Son âme se le fout au cul. Écoute, Anita, il n'y a rien de mal à être enterré au champ du potier. J'y suis allé et c'est très joli. Tu es allé? Pourquoi? Juste comme ça pour voir. Au champ du potier? Arrête de déconner, c'est une prison, il laisse rentrer personne. Mais je ne suis pas allé sur l'île. Et jusqu'où le ferry le peut. Et depuis Manhattan... On va d'abord en métro, ensuite on prend un bus pour traverser le Bronx jusqu'à Long Island. Et puis on poursuit le chemin, il y a le restaurant de Fremmer, le terrain de golf, on tourne à gauche. Ensuite, il y a la jetée, 3 flics, et un chien, un bâtard roux. Ils l'appellent Cerber. C'est là qu'ils apportent les cercueils de tout New York. Ils les entassent bien. Chacun porte un numéro. Le jeudi et le vendredi, les prisonniers arrivent et ils portent les cercueils sur l'île. Et là, ils les enterrent soigneusement dans le champ. C'est paisible. Il y a de l'eau tout autour et un tas d'oiseaux. Oh, lève tes sapes pattes de mes affaires! Quelle jolie petite paire de pompes! Yola les adorait. Tu veux les acheter? 4 $! Tout de suite acheté, je regarde un peu. Quel jour t'as dit qu'on était aujourd'hui? On peut se garer des deux côtés de la rue, alors on doit être mercredi. Mercredi, voilà un jour parfait pour boire. Si on est mercredi, ça veut dire que Polly attend toujours le ferry. Qui sera là que vendredi? En effet. Et alors? Je sais quoi faire. Quoi? Quoi? On va l'enlever de là. Qui? Bon. Toi et toi, vous irez là-bas. Et on va l'enterrer ici, quelque part. Ici? Mais où ici? Mais ici. Ils ont planté un arbre la semaine dernière, la terre doit pas être trop dure. T'entends ça, Sacha? Elle est complètement fêlée. Elle veut l'enterrer ici. Oui, je veux l'enterrer ici. Tu veux qu'on aille à la prison, qu'on le déterre? Et comment on fait sur l'eau? On saute sur les glaçons? T'as bien dit qu'on était mercredi. Alors Polly est toujours sur l'île. Vous irez là-bas, vous le sortirez de sa caisse et vous le ramènerez ici, c'est tout. C'est tout. Fantastique. Et tu vas nous accompagner pour cette partie de plaisir. T'es con ou quoi? Je peux pas emmener mon caddie dans le métro. Si je le pouvais, j'irais à Brooklyn ou qui a tous mes meubles. Et nous, on devra le porter à travers toute la ville, à travers tout New York. Je vous donnerai l'argent pour les frais du voyage. Anita, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est un crime. C'est un crime d'enterrer les gens là-bas. Ils ont des gardiens, ils vont nous arrêter. Dieu vous protégera. Et que se passera-t-il s'il ne le fait pas? J'ai 19,50 $. Anita, oublie. Je vous donnerai les 19,50 $ plus les chaussures. Anita, oublie, c'est impossible. Attends, rien n'est impossible. 19,50 $ plus les chaussures pour Yola. Je te donnerai une chaussure maintenant et l'autre après. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je vais me coucher. Attends, Sacha. S'il te plaît, Sacha. Sacha, on peut le faire, mais faut y aller maintenant. Ce sera bientôt jeudi, et alors, peau de balle, on pourra plus. Allez, lève-toi. S'il te plaît, Sacha, fais-le pour moi. Cinglé, oui. Sacha! S'il te plaît. En Amérique, Sacha. Quand une opportunité frappe à ta porte, tu dois pas dormir, tu dois la choper au vol. Allez, allez, viens. S'il te plaît, Sacha. T'inquiète pas pour tes affaires, j'en prendrai soin pour toi. T'inquiète plus, Polly. Tu rentres à la maison, bientôt. Ça ne marche pas. Pourquoi ils y foutent tant de clous? Tu sais quoi? Laisse celui-là. Prenons l'autre. J'ai un bon pressentiment pour celui-ci. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Bonne photo, hein? Un beau costume près d'une super bagnole. Je vais l'envoyer à Yola. Elle verra que c'est pas toi. Les gens changent. Ce type est noir. Il est pas noir. Juste bien bronzé, mais il paraît beau. Et à peu près de mon âge. Un peu noir, d'accord? Il faudra que j'éclaircisse la photo avec un peu de jus de citron. Allez, aide-moi avec ça. Relax! Les gardiens regardent la télévision. Je vais l'envoyer à Yola et dans 3 semaines, tu verras. Un taxi s'arrête devant le parc. Tu sais à quoi il ressemble, Yola, hein? Je sais. Un cul comme un carrosse et des nichons, Jésus, tu croirais pas, c'est Libar. De vrais obus. Une fois, elle s'est retournée brusquement dans le lit et son nichon droit a failli me péter une dent. Alors? Une minute, laisse-moi regarder. Non, mais c'est pas lui! Merde, t'es sûr? Hé, t'as des yeux comme moi-même, hein? Combien de fois je t'ai dit de réparer ces foutues lunettes? Chut! On a de la chance que le chien soit attaché. Jette-lui en dog. J'en ai plus. T'en as plus? T'as tout bouffé? T'as bouffé 2 paquets? Ouvrons celui-là. Celui-là, je le sens vraiment bien. L'autre aussi, tu le sentais bien. Mais seigneur, mais quel caractère! Quoi que je fasse, tu râles toujours. La ferme! Boss! Tu parles de cercueil? Regarde la merde qu'ils font, ça tombe en morceaux. Elle sort du taxi. Elle traverse le parc. Elle marche et tout le monde la regarde. Les flics la saluent. Elle se contente de marcher. Elle me cherche. Et puis, elle me voit. Et tout à coup, elle court. Elle court à ma rencontre. Et moi, je reste assis sur le banc, comme d'habitude. Peut-être je devrais me lever, Qu'est-ce que t'en penses, Sacha? Va te faire foutre. Ok. Je me lève et je dis « Welcome to the United States ». Elle m'embrasse. Elle fera pas attention si je suis lavé ou pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand elle aime, elle se fout de tout. Écoute, fille! D'accord! Je travaille! Je travaille! Je vais pas me couper en deux! Elle dira je t'aime, Fli. Et je suis venu rien que pour toi. Et elle mettra ses deux obus géants contre moi. Et tout le monde dans le parc verra que c'est de l'amour, du vrai. Merde! Le géant aura une attaque. La plus grave crise d'épilepsie de sa vie. Il en perdra ses derniers chicots. Et toi, Sacha, tu pleuras de joie. Parce que t'es mon meilleur ami. Et même si t'étais jaloux, tu le montreras pas. Tu vois, Sacha, tu vois. Qu'est-ce que je disais? C'est lui. Regarde, j'ai pas raison. Qu'est-ce que je disais? D'accord, sortons-le de là. Oui, Sacha, je me sens tout drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ferai mieux de m'asseoir. Oh, oui, non, pas maintenant. Oh, non, merde, nom de Dieu! Il y a 10 minutes, je reçois un appel des gars du champ du potier. 4 cercueils forcés et l'un d'eux vide. Je fais... Êtes-vous certain qu'il y avait un corps dedans au départ? Ils en sont certains. Je demande. Êtes-vous certain qu'il était mort? Ils en sont certains. Comment cela? J'en sais rien. Mais ils en sont certains. Il y a une semaine, lundi dernier, j'ai reçu un autre appel, justement de la morgue, comme quoi un de leurs cadavres avait disparu. Il se trouvait juste avant dans la salle d'autopsie, dans un sac bien fermé, en attente. Les gars reviennent du déjeuner pour s'en occuper et boum, il a disparu. Le sac est ventré de l'intérieur, complètement vide, le type introuvable. J'ai demandé à l'hôpital ce qui a bien pu se passer pour qu'ils mettent une personne vivante dans un sac. Le docteur m'a répondu, je pense que j'ai fait une erreur. Une erreur. Nous qu'à mâcher en les sentiments, nous. Tiens, nous blâner. Alors, Sacha, à quoi je ressemble quand j'ai une crise? Une merveille. Vraiment? Est-ce que je vole? Comme Nureyev. Je connais pas. Un épileptique? J'en doute. À quelle hauteur j'ai volé? 1 mètre, 1 mètre 50, pas de quoi s'exciter. Sacha, j'aimerais boire un coup. Tu as déjà bu 2 bouteilles de gnôle et 1 verre de raid, beaucoup plus que moi. J'ai bu du raid? Où est-ce que je l'ai eu? C'est toi qui l'as acheté pour moi, t'es vraiment un pote, Sacha. Mais maintenant, il n'y en a plus. Elle devrait nous payer un autre litron. Elle t'a donné ses après-ski. Ils sont pour Yola. Elle a payé le voyage pour nous, toi. Et le bus, en plus. Bon sang, t'étais d'une grande aide. J'ai dû vous traîner tous les deux. Sacha, je voulais te dire. Si elle m'achète pas une autre bouteille, je laisse tout tomber. Alors, tu peux me montrer laquelle c'est, Vénus? Je sais pas. Peut-être celle-là, avec la queue. Tu connais Pixie? Tu vois qui je veux dire? La femme du noir qui a un niara sur la tête. Oui, celle-là. Elle a entendu aux infos que tous les SDF vont être foutus dans une fusée et envoyés sur Vénus. Hé hey. J'ai lu qu'au Moyen-Âge, quand ils voulaient se débarrasser de quelqu'un, ils le mettaient sur un bateau et l'expédiaient pour des voyages géographiques. Hé, Fli, ramène tes fesses, vite. Quoi? Viens voir. Quoi? Regarde. Regarde! T'as raison, c'est pas lui. Du calme. Laisse-moi vérifier encore. Qu'est-ce que tu vas vérifier, espèce de trou-duc? D'accord, je m'excuse, c'est pas lui. Engueule-moi si ça peut te soulager. J'ai merdé. Mais je vais te dire une chose, tu avais des lunettes et tu aurais pu regarder. Mais, et tu me criais dessus, j'étais sur le point d'avoir... Qui est ce mec? D'où je peux le savoir? T'as merdé. T'as merdé. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le ramener, le remettre dans son cercueil? Franchement, il sait mieux lui... La ferme! Arrête de gueuler! J'aime pas ça. Mais regarde-toi-même, il est plus grand, plus beau et plus poilu. Les 3 autres étaient noirs, de toute façon. Ils auraient pu nous attraper, nous foutre dans un hôpital psychiatrique. On aurait même pu perdre notre droit de vote. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire à elle? on devrait lui demander plus d'argent. Regarde les risques qu'on a pris avec ce mec. Je peux pas me permettre de prendre de tels risques quand Yola va venir. Justement, quand elle arrive, mets l'écharpe un peu plus haut sur son visage. Yola ? Flea, arrête de m'emmerder avec ta Yola. Oui, je crois qu'on ira voir ma tante à Greenpoint. Flea, la ferme, je ne le supporte plus. Qu'est-ce que tu supportes plus ? Je t'ai déjà parlé de ma tante à Greenpoint ? Tu n'as pas de tante à Greenpoint et Yola est déjà venue et repartie. Yola, ici ? T'es fou ! Et Yola était ici et tu le sais aussi bien que moi. Moi ? De quoi tu... Et Yola était ici, oui. La ferme. Il y a 5 mois, tu t'en souviens ? La ferme. En juillet, oui. Et tu étais supposé aller la chercher à l'aéroport, mais tu étais tellement saoul que tu n'y es pas allé. Moi ? Et pourquoi ? Et pourquoi que je ne serais pas allé la chercher ? Pourquoi ? Parce que t'avais honte. Moi, honte de quoi ? De quoi ? De ça, pardi. Tu lui avais écrit que tu avais un appartement avec 5 chambres, une voiture, un portier. Et elle a attendu à l'aéroport et tu n'es jamais venu. C'est pas vrai, je l'aime, je m'en tirerai jamais. Ensuite, elle est à l'adresse que tu lui avais écrite, c'était chez Lala. C'est pas vrai. Là où tu achètes ta putain de vodka. Espèce de menteur comme tous les juifs. Et Lala l'a envoyé ici, au parc. C'est pas vrai. Et Lala est venue ici et tu t'es caché dans ce buisson. Je t'écoute pas. Elle t'a supplié de sortir, mais tu n'en sortais pas. Je t'écoute pas. Elle pleurait, je lui ai parlé, elle te suppliait. Tu n'en sortais pas et le lendemain, elle est rentrée en Pologne. C'est pas vrai, t'es qu'un enfoiré de russe! Tu détestes les Polonais! Vous avez tué des officiers polonais à Katyn et vous avez mis ça sur le dos des Allemands! Je vais te faire voir! Tu me verras plus jamais. Enculé de ta mère. Je suis désolé, Anita. Je le suis vraiment. Dieu te bénisse. Polly. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu seras béni pour ça. Je le sais. Merci. Amen. Maintenant, on peut l'enterrer. Où est l'autre ? Il s'est vexé. Il s'est vexé. Comment t'as fait ? Il reviendra ? Probablement, il revient toujours. Parce qu'on doit se dépêcher. La police sera là avant 6 heures. On doit avoir fini avant. J'ai déjà choisi l'endroit. Ici. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses ? D'accord, ça va. Allez, viens. Aide-moi. Prends. Sous l'arbre. Il aimait cet arbre. Tu crois que l'autre va revenir bientôt ? J'en sais rien. Parce que ça serait bien, si on n'était plus que nous deux ici. Bon. On devra dire une neuvaine, c'est-à-dire prier pour lui pendant 9 jours. Mais on n'a pas le temps. Non, on ne l'a pas. J'ai quelques fleurs pour lui. Et quelques rubans. C'est très joli. Faudrait une photo de Polly pour mettre au milieu. J'ai celle-là. Tu es beau. Mais ce n'est pas moi. Dans un costume, près d'une super voiture. Ce n'est pas moi, ce type est noir. Ah ouais. Mais il est beau. Et à peu près de ton âge. Ça te plaît ? Comment tu le trouves ? Quoi ? C'est à Calvin Klein. Ah bon ? Eh bien, regarde la griffe si tu me crois pas. Ah oui, t'as raison. Vraiment, un Calvin Klein, à vrai dire. Ah bon ? Non, c'est cousu de fil blanc, puis le nœud est très négligé, pas professionnel. Je sais ces choses-là parce que j'ai travaillé dans un atelier de couture avec ma mère. Mais qu'est-il arrivé à la fin ? Eh ben, ma mère est tombée malade et puis elle est morte. Et j'ai dépensé tout ce que nous avions économisé pour l'enterrer à Porto Rico. Et mon frère a volé le reste de l'argent et est allé en prison. Et moi, je peux plus retourner à Brooklyn où il y a tous mes meubles parce qu'il me laisse pas emmener mon caddie dans le métro. Alors que le propriétaire les a gardés, mes meubles. Et pourquoi ? Ben parce que, quand j'ai perdu mon boulot, je peux plus payer le loyer. Et que lui les a gardés. Mais je peux les retrouver. Je peux retourner à Brooklyn. Suffit seulement que je trouve le moyen. D'abord, il a dit que je pouvais rester sans payer dans l'appartement. Seulement si je faisais ça avec lui. Il était très gros. Et il s'envoyait toutes les femmes de l'immeuble. Mais je l'ai fait parce que... où je pouvais aller avec mes meubles. Mais quand sa femme a découvert le poteau rose, elle m'a fait une telle scène qui m'a foutu dehors. Et maintenant, j'attends toujours un appel de mon boulot parce que je cousis vite. Il m'aimait bien là-bas. Seulement dehors, j'avais pour le téléphone. Maintenant, je l'ai. Le téléphone. Seulement, j'ai plus de prise pour le brancher. C'est très chaud, ça, tu sais. Pure laine. J'ai du chocolat, du fromage et des crackers. Normalement, on devrait manger après les funérailles, mais on va le manger maintenant. Hey, t'aurais pas une petite bouteille de quelque chose, par hasard? Non. Mais j'ai ça pour toi. Je suis bonne, hein, pour dégoter ce qu'il faut. Ça sent bizarre. Poli. Il était très propre, tu sais, et rasé de près la première fois que je l'ai rencontré dans le parc. Et très drôle. Il m'a donné de la bière, et il m'a raconté blague sur blague. Il versait de la bière, et il racontait des blagues. Des blagues et de la bière, blagues et bière. Et puis ce jour, on est allé sur l'East River, juste pour s'asseoir. Il faisait si beau. Il y avait des remorqueurs et un tas d'oiseaux et du soleil et tout. Et puis la police est venue. Un grand et un petit. Et le grand a commencé par dire comme ça que nous on faisait le sexe près de la rivière. J'ai pas dû lui venir cette idée. Alors on lui a dit que non, on était juste assis là, qu'on buvait de la bière et qu'on se marrait. Mais il nous a pas cru. Il m'a demandé que je remonte ma jupe pour voir si je portais une culotte. Alors moi je voulais bien la remonter ma jupe. Puisque j'en portais une de culotte. Mais Pauli s'est vraiment fâché. Il m'a pas laissé remonter ma jupe, il l'a rabaissée. Le flic insistait, Pauli insistait. Et tu sais ce que Pauli a dit? Non. Il a dit, ma femme vous montrera pas sa culotte. Alors le policier l'a averti. Soit vous restez en dehors de cette histoire, soit vous aurez affaire à moi. Il gueulait. Et alors, ils l'ont tapé sur la tête. Et ils nous ont menottés et emmenés au commissariat. Et t'es resté longtemps là-bas? Moi, ils m'ont laissé partir presque tout de suite. Mais lui, ils l'ont gardé. Alors j'ai attendu, puis à la fin ils m'ont chassé. Alors je suis revenu dans le parc et j'ai attendu. Il m'aimait. Bah tu crois pas? Après ce qu'il avait dit, après ce qu'il avait fait, il m'avait appelé sa femme. Bah, s'il m'aimait pas, il m'aurait laissé monter la culotte. Ou bien il m'aurait demandé de leur faire une pipe, ou quelque chose comme ça. Non. Il me défendait. Et quand il est sorti, j'ai couru vers lui. Mais tu sais quoi? Non. Il m'a pas reconnu. Il est passé sans même me regarder. Alors je me suis dit que peut-être qu'il était fâché. À cause de moi. À cause qu'il avait beaucoup souffert et à cause de moi. Je lui ai dit. Mais il m'a dévisagé sans un mot. Alors je me suis dit que peut-être que... il me reconnaissait, mais il faisait semblant que non. Mais comment tu peux ne pas reconnaître la femme que tu aimes? Je lui ai dit. Mais il m'a dévisagé, sans un mot. Et il t'a rien dit du tout? Il parlait tout seul. Et puis il avait beaucoup changé. Physiquement. Et tu sais quoi? Non. J'ai même commencé à penser que c'était pour lui. Mais ça pouvait être que lui. Je savais que c'était lui. Parce que c'était pas toi, n'est-ce pas ? Est-ce que je peux te poser une question? Non, j'ai besoin d'un petit coup à boire, j'en ai vraiment besoin. Est-ce que tu es marié? Divorcé, je crois. C'est bien. Je voudrais pas m'attacher à un homme marié. Ce propriétaire était marié. Et où est ta femme maintenant? Je sais pas. Quelque part dans le haut Manhattan, elle m'a quitté. Tu veux pas parler d'elle? Oh si, je peux parler d'elle. Non, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé? Eh bien, je travaillais sur un chantier pour un autre russe qui enseignait à l'université de Columbia. Il écrivait un livre et il a suggéré que si ma femme trouvait un ordinateur, qu'elle pourrait lui taper son manuscrit. Ainsi, ça nous ferait un peu plus d'argent. J'ai réfléchi et avec l'argent du chantier, j'ai acheté un ordinateur. Et ma femme a commencé à taper le manuscrit. Le livre a eu un succès. Le type avait découvert que Shakespeare était une femme. Et il l'a prouvé. Quelques semaines plus tard, ma femme s'en allait avec lui et l'a aussi emmené l'ordinateur. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais un autre chantier. Un appartement à Brighton Place. C'est à Brooklyn, ça? Ouais. La petite Odessa, qu'ils appellent ça. Un vieil immeuble. Personne n'y venait plus, alors. Un jour après le boulot, j'y suis resté avec deux bouteilles de vodka, je les ai bu et j'ai fermé les portes à clé. Pour être sûr de ne pas pouvoir en sortir, j'ai jeté la clé par la fenêtre. Et j'ai foutu le feu. Mais j'ai sauté. Pourquoi que t'as sauté? Ben, parce qu'il faisait trop chaud là-dedans. Oh, c'était toi, ce russe fou! J'avais entendu parler de toi. Et comme l'appartement était au deuxième étage, je me suis seulement cassé une jambe. Eh ben, tu devais l'aimer? Plutôt, oui. Oh. Et je pensais qu'elle allait revenir. Mais pourquoi qu'elle serait revenue? Ben, à l'époque, ça me semblait logique. Il faut dire que maintenant, bon... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je boite un peu. Mais c'est comme ça que j'ai obtenu de belles allocations d'invalidité. Tu peux pas toucher les allocations si tu vis dans le parc! T'as besoin d'une adresse pour toucher les allocs! Je ne dis pas que je touche les allocs maintenant, je dis que j'en ai eu! Suffit maintenant un peu de vodka! Elle te manque toujours! Non! Je pense plus à elle! C'est bien! Parfois seulement. Il m'arrive de penser à ce professeur qui a prouvé que Shakespeare était une femme. Et je l'imagine qu'il reçoit une licence honorifique à Harvard. Devant lui, un merveilleux auditoire. Des intellectuels, des professeurs comme Charles Bellow, Susan Sontag, Colin Powell. Des femmes élégantes et ma femme, assise au premier rang. Tu penses toujours à elle? Non, pas vraiment. Alors, ma femme bouffie d'orgueil et son professeur se lève pour faire un discours. Les caméras de télévision commencent à tourner et tout d'un coup, là, les portes s'ouvrent. Et j'entre avec Shakespeare. Le professeur devient blanc comme un linge. Ma femme en claque des dents de peur. Et moi, je reste modestement en arrière. Mais Shakespeare, lui, il fonce à l'avant-scène et demande au type, « C'est vous, monsieur, qui parlez ainsi de moi ?» Le professeur est obligé de répondre. Alors, Shakespeare le gifle brusquement, lui balance un coup de poing dans l'estomac, un coup de pied dans les couilles, l'attrape par les cheveux, lui tape la tête sur le genou. Et moi, je reste modestement en arrière et souriant. Je vois. Alors comme ça, Shakespeare l'a eu. Ouais. Et il la frappe aussi. Ah, j'y ai pas pensé. Peut-être. Et j'ai un quart de dollar quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais? Un peu de musique. Tu sais, en Russie, j'étais peintre. C'est un bon moyen pour gagner sa vie? Non, un peintre, des tableaux. Artiste! Mon père était professeur d'art plastique avant sa mort, enfin je veux dire avant qu'il ne l'arrête. Mon frère aussi a été arrêté, je sais comment on sent. Mais mon père, lui, n'avait rien fait. Mon frère a été arrêté pour vol et braquage. Un jour, mon père a dessiné une vue de notre fenêtre. J'étais à la maison quand il est parti enseigner et j'ai fini le tableau. Tout le monde était stupéfait. Ma famille a même dit que j'étais meilleur que lui. Ils m'ont appelé le nouveau Picasso. Le père de Picasso aussi était professeur d'art. J'ai un sac Paloma Picasso. Je peux le vendre 4 dollars. J'ai été exposé à Leningrad avec un autre peintre. Je faisais des peintures abstraites. En vérité, personne n'en voulait, mais comme le responsable de la galerie était un des étudiants de mon père, alors ils m'ont pris quelques toiles. Et puis, Brezhnev est venu. Il est passé très rapidement devant tous les autres tableaux, et c'est devant le mien qu'il s'est arrêté. Il l'a regardé fixement, pendant un bon moment, puis il a craché dessus. Il l'aimait pas ? Je pense pas. De toute façon, c'était ma dernière expo à Moscou. Le responsable de la galerie m'avait dénoncé à la presse en disant que j'avais introduit subrepticement de l'art décadent dans sa galerie durant la nuit. Mais le tableau sur lequel Brezhnev avait craché, je l'ai vendu très cher à un correspondant américain. Et c'est comme ça que je suis venu à New York. Je pensais que George Bush viendrait, lui aussi, et qu'il cracherait. Mais personne n'est venu. Tu l'avais invité ? Non. Mais alors tu vois, peut-être qu'il n'en savait rien, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Peut-être. Mais je n'ai plus eu d'expo en Russie. Mais ils se sont souvenus de moi là-bas. Le responsable de la galerie est maintenant un des présidents de l'Académie des Beaux-Arts de Moscou. Il m'a écrit une lettre m'invitant à venir peindre en Russie. La lettre est arrivée chez Lala, à la boutique de vin. Tu vas y aller ? T'imagines la tête qu'il ferait si j'arrive dans cette tenue à Moscou ? Tu vas pas y aller ? T'inquiète pas. Je n'arrive plus à peindre maintenant. Mais je peux peut-être enseigner. J'avais un professeur qui tremblait beaucoup plus que ça. Mais t'es très bien ! Faut juste qu'on te soigne un peu. Tu veux un peigne ? Non, j'ai besoin d'un petit coup à boire. J'en ai vraiment besoin. Attends une minute. Je vais te donner le mien. Je m'en suis jamais servi, te portera pas malheur. Bon, d'accord. Alors ? C'est mieux. Montre-moi tes dents. Quoi ? Souris. Bien. J'ai une paire de chaussures. Tu peux les avoir. Oh. Parce que sans dents et sans chaussures, laisse tomber, tu quitteras jamais le parc. Eh ? Oh. Alors ? C'est bien, bien. Dis-moi, cet appartement dont tu as sauté, est-ce qu'il a brûlé complètement ? J'en sais rien. Je ne me suis pas retourné. Ils m'ont emmené en ambulance. Est-ce que tu es moitié installé ? Ben, je me posais la question. Ils nous jetteraient dehors au bout d'une semaine. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit qu'ils nous foutraient dehors au bout d'une semaine. Tu as dit nous ? Et tu as dit nous deux fois. Ne me dis pas que tu ne l'as pas dit. D'accord. C'est Dieu qui me remercie d'avoir entendu répondu. Tu as dit nous deux d'accord, fois. D'accord, je l'ai dit. Je m'occuperai de tout. Tu verras. Tu ne le regretteras pas, je le jure sur la Sainte Vierge. Tu ne le regretteras pas. Il nous faut un chez-nous. Si tu vis dans la rue, personne ne te traite comme un homme. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Quand je me concentre très très fort, j'y arrive. Je m'y concentrerai. Très très fort. De quoi j'ai l'air ? Sérieusement. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, qui sait ? Peut-être je devrais aller à l'ambassade. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Qu'ils me foutent dehors ? Et puis, il y a cette lettre de l'académie. Peut-être qu'avec la lettre, je pourrais avoir des crédits pour des billets de retour. Ils n'ont pas beaucoup d'argent là-bas, mais peut-être qu'on pourra obtenir des billets de retour. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu irais avec moi ? Il me faut une cravate. Quel genre de cravate ? Peu importe, de la soie peut-être. Mais est-ce que tu viendrais avec moi ? À l'ambassade ? Non, à Moscou. C'est en Russie, ça ? Oui. Mais j'ai mon appartement et ma mère vit là-bas. Est-ce que c'est si froid qu'à New York? New York, c'est rien comparé à la Russie. Alors d'accord, j'irai. Ne bouge pas d'ici, pour le moment. On est jeudi. Ils ouvrent à 9h. D'accord. J'irai. Je suis revenu. Je vois ça. T'es content? Bien sûr. Tu reviendrais pas, toi, si je t'avais offensé comme tu l'as fait. Il me reste un brin de fierté. C'est parce que t'es un juif? Où est-elle? Elle va revenir. Mais tu crois que j'ai une tote dans le Queens? Bien sûr. Et que Yola va venir? Bien sûr. Parce que ce sont mes conditions. Alors? Alors tu vas repartir, hein? Je vais partir. Et moi? Quoi, toi? Tu veux pas m'emmener avec toi? Non. Mais elle, tu veux bien l'emmener? Tu nous écoutais. J'étais dans mon buisson et tu veux aller à Moscou? Ouais. Et tu penses qu'ils vont te donner 2 billets parce que t'en as besoin de 2 maintenant? Il faudra que tu l'épouses. Eh bien, je l'épouserai. Est-ce que tu sais que je l'ai baisé? Et alors? Et le gitan aussi, celui qui s'est pendu par là. Je le sais, et alors? J'étais en train de penser... Tu penses qu'ils vont te laisser emmener tout ça dans l'avion, toutes ces affaires? Relève tes sales pattes de ces affaires! D'accord, Sacha. D'accord, t'énerve pas. Tu sais quoi? T'as raison. Tu devrais retourner en Russie, parce que t'y arriveras jamais ici. Moi, je quitterai New York pour rien au monde. Parce que je sais comment vivre en Amérique. Une fois que j'aurai touché le fond, je m'en irai tranquillement dans un de ces centres spéciaux pour la désintoxication. Donne-moi la bouteille. T'es sûr que tu devrais? Donne-moi cette putain de bouteille, enfoiré de polac! Bien sûr, Sacha. Et je veux que tu saches... Demain, j'irai à l'ambassade. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Un peu de ci, un peu de ça, un peu de vodka, un peu d'éther. C'est très très fort. Vas-y, mollo, fais une pause, tu vas être malade. Ah. Et je veux que tu saches qu'il n'y a rien de changé. Et que je l'emmènerai à Moscou. Bien sûr, Sacha. Tu sais quoi, t'inquiète pas, peut-être que ça se passera bien. D'une manière ou d'une autre, elle est amoureuse de toi. Donc, il se peut qu'elle redevienne normale une fois que tu lui auras trouvé un toit. Non. Ta gueule. Vraiment. Les gens changent. Tu peux pas savoir. Et puis ta mère pourrait s'occuper d'elle. Sacha, je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. T'es mon meilleur ami. Reste calme. Reste calme, Sacha. C'est mon meilleur ami. Sacha, tu sais à quoi je pense? J'ai besoin d'un coup à boire. Lors d'une rafle de police sans bavure, comme celle qui a eu lieu la semaine dernière, nous avons décidé de nettoyer le parc. On entendait de nombreuses rumeurs à propos d'un SDF soi-disant enterré là. Fausse alerte. Nous avons retourné la moitié du parc et nous n'avons rien trouvé. Il s'est avéré que la source du ragot venait d'une portoricaine fêlée qui vivait là. Cette femme continuait d'essayer de retourner dans le parc, même après qu'on ait installé des clôtures de 3,50 m de haut. 3,50 m! Une enragée. Finalement, elle s'est pendue à la grille d'entrée. Elle a été emmenée au champ du potier. Bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Ah, juste quelques mots encore qui pourraient vous intéresser. Les statistiques disent que le nombre de SDF dans New York augmente constamment et que d'ici la fin de l'année, sur 50 habitants, il y aura un SDF. Ce qui veut dire que dans ce théâtre, il y a au moins une personne qui se retrouvera dans la rue d'ici peu. Cette personne saura certainement se reconnaître. Je vous souhaite une bonne soirée. Un pull en cachemire, choisis-en un qui ait des épaulettes parce que c'est là que le malheur se colle. Je le sais, j'en ai eu un. Et maintenant, c'est trop tard. Je reste modestement en arrière. Mais Shakespeare, lui, il fonce à l'avant-scène et demande au type : c'est vous, monsieur, qui parlez ainsi de moi ? Mais le beau truc avec l'épilepsie, c'est qu'une fois que tu l'as, tu sais que tu ne deviendras jamais schizophrène. Ребята, все не так, все не так, ребята. Эй, раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз. Все не так.